Alors, qui dans la vraie vie? Ah, je crois j'ai un appel. Je crois qu'il y a Pirates des Caraïbes. Alors, qui est diffusé. Je réponds. Allô? Non, on le connaît pas, ce vieux pédophile. Oui, on s'excuse, on est en plein direct. C'était quel sujet? Ah ben non, c'est le sujet, c'est la compagnie créole à l'appareil. J'aurais chanté le bal masqué, oui, oui. Ah ben c'est une très bonne idée parce que justement j'avais une question. Ah. Sur la compagnie créole. Très bien. Oui. Combien y a-t-il de filles dans la compagnie créole? Une. Une. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire? Je vais manger plus longtemps. Ah ben non, mais c'était urgent ou ça peut attendre? Absolument pas, c'est pour une connerie. Mais là, tu t'enregistres ce soir? Oui, là, je suis en plein direct. Vive le direct.